الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدرس السابع والثلاثين. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète, prière et sagesse sur lui, et on est arrivé aujourd'hui au cours 37. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد هجرة أصحابه رضوان الله عليهم. Le messager de Dieu, prière et sagesse sur lui, est resté dans la Mecque après l'égir de ses compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. ينتظر أن يأذن له الله بالهجرة. Il attendait que Dieu lui donnait l'autorisation, la permission d'accomplir l'égir. ولم يبق معه في مكة إلا أبو بكر وعلي رضي الله عنهما ومن كان محبوسا أو مفتونا. Et à cette époque-là, il ne restait avec lui dans la Mecque qu'Abu Bakr, que son compagnon Abu Bakr, et Ali, et ceux qui étaient soit emprisonnés ou bien éprouvés. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, à plusieurs reprises, il demandait l'autorisation au messager de Dieu, prière et sagesse, pour accomplir son hijr. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Dieu, prière et sagesse lui disait, La ta'jal, ne te précipite pas, attends un petit peu, attends encore. La'alla Allah yaj'alu laka sahiba. Il se peut que Dieu va te préparer ou va te donner un ami ou un compagnon, comme ça tu ne vas pas seul. Fayatma'u Abu Bakr an yakunahu. Et Abu Bakr, toujours après cette réponse du prophète, prière et sagesse lui, il souhaitait que l'ami soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa khafat Quraysh an yuhajira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina. Les Quraychites ont eu peur que redouter le départ ou l'égir du messager de Dieu, prière et sagesse lui. Fajtama'u fi dar al-Nadwa. Wa dar al-Nadwa hadhihi hiya al-Parlaman al-Quraysh, Parlaman Makkah. Ils se sont réunis dans la maison de Nadwa. Cette maison de Nadwa représentait le parlement ou l'assemblée générale des Quraychites, là où ils prenaient les grandes décisions. Abu Jahl, Uthba, Shayba, Abu Sufyan, Umayya ibn Khalaf, ila akhiri, etc. Tout ce monde et d'autres se sont réunis dans le parlement mekwa. ثم جاء ابليس في صوره شيخ جليل. Et par la suite Iblis est venu sous la forme d'un vieillard respectueux. فوقف امام باب الدار. Et il s'est arrêté devant la maison ou devant la porte du parlement. قالوا من انت. Ils lui dirent qui es-tu. Personne ne le connaissait, ce vieillard. Qala Iblis, Iblis a donné cette réponse, Shaykhun min ahli Najd, un vieillard ou un cheikh de la région géographique qu'on appelait Najd. Sami'a billadhi itta'attum lahu, qui a entendu le problème pour lequel vous vous êtes réunis aujourd'hui, fahadara ma'akum. Et il parle de lui. Et il a voulu assister avec vous. ليسمع ما تقولون afin qu'il écoute ce que vous allez dire, وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا, et il ne va pas vous priver de ses conseils et de ses avis. قالوا ادخل, ils lui ont dit entre. وبعد مشورة, après concertation, قال أحدهم, l'un des Mekwa dit, احبسوه وأغلقوا عليه بابا حتى الموت, emprisonnez-le, enfermez-le et laissez-le jusqu'à la mort, dans la prison jusqu'à la mort. Ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Iblis, le vieillard Iblis leur a dit, la non, wallahi ma hadha lakum birahi, il ne s'agit pas d'une bonne proposition par Dieu. Fi halati habsihi, dans le cas où vous allez l'emprisonner, sayati ashabu, ses compagnons, ses ansars, ses partisans vont venir à la Mecque, وَيُطْلِقُونَ صَرَاحًا, et vont le libérer. وَبَعْدَ مَشُورَةً, après une autre concertation, قَالَ أَحَدُهُمْ, c'était un vrai parlement, قَالَ أَحَدُهُمْ, l'un d'eux dit, نُخْرِجُهُ مِنْ بَيْنِ أَقْرِنَا, on le fait sortir, on le bannit de chez nous, on le fait sortir de chez nous, فَنَنْفِيهِ مِنْ بِلَادِنَا, et on le bannit de notre pays, on l'éloigne par force de notre terre. فَإِذَا خَرَجَ عَنَّا فَوَاللَّهِ مَا نُبَالِ أَيْنَ ذَهَبْ, mais s'il nous quitte par Dieu par la suite, on ne va pas trop se soucier de son sort ou de ce qu'il va faire. L'essentiel, on va vivre tranquille après son départ. وَتَعُودُ الْحَيَاتُ كَمَا كَانَتْ, et la vie va reprendre son cours normal. قَالَ الشَّيْخ, يعني Iblis, et le vieillard, c'est-à-dire Iblis, leur dit, لَا وَاللَّهِ مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأْيِ, que par Dieu ce n'est pas une bonne proposition. Alam taraw husna hadithi, vous n'avez pas vu ces bonnes paroles, c'est-à-dire les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa halawata mantiqi, et la douceur de sa logique, wa ghalabatahu ala qulubi rijal, et comment il arrive à emprisonner les cœurs des hommes, wa attirer vers lui les cœurs des hommes. Wallahi law fa'altum dhalika, par Dieu le très haut, si vous faites, si vous exécutez cette proposition, ma amintu an yahilla ala hayyin min al-arab, je ne serai pas en sécurité ou tranquille, comme quoi Muhammad va habiter chez un quartier arabe, une tribu ou une ville arabe, fayaghlibuhum biqawlihi wa hadithihi hatta yatba'u ou hatta yutabi'u, et il va les attirer avec la douceur et le miel qui se sort de sa bouche, de ses paroles mielleuses, et ils vont le suivre. Thumma yasira bihim ilaykum, et après il va les diriger contre vous, il va venir avec cette force jusqu'ici la Mecque. Fayakhudha amrakum min aydikum, et il va vous prendre le pouvoir d'entre vos mains. ثُمَّ يَفْعَلَ بِكُمْ مَا أَرَادَ, et par la suite, il va faire de vous ce qu'il veut. فَقَالَ أَبُو جَهْلِ إِبْنُ هِشَامٍ, à ce moment-là, Abu Jahl, le pharaon des Arabes, de la nation d'Islam, dit, وَاللَّهِ إِنَّ لِي فِيهِ رَأْيًا مَا أَرَاكُمْ وَقَعْتُمْ عَلَيْهِ بَعْلِ, par Dieu, j'ai une proposition pour finir avec Muhammad, et je vois que personne n'a pensé à cette proposition. قَالُ وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْحَكَمِ, il dit, et laquelle, ô Abu al-Hakam? Qala Abu Jahl, Abu Jahl leur dit, na'khudhu min kulli qabilatin shabban jalidan, on va sélectionner de chaque tribu des Arabes, on va choisir de chaque tribu un jeune guerrier fort, jalidan, fort. Thumma nu'ti kulli shabbin minhum sayfan sariman, et par la suite on va donner à chaque jeune une épée coupante. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ, et ils vont le frapper comme un seul homme, en un seul coup, comme un seul homme. فَيَقْتُلُوهُ فَنَسْتَرِحُ مِنْهُ, ils vont le tuer, et comme ça, on se reposera de lui. فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَفَرَّقَ دَمُهُ فِي الْقَبَائِلِ جَمِيعِهَا, parce que s'ils font comme ça, le sang de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera répandu dans toutes les tribus. C'est-à-dire, tout le monde l'a tué. Toutes les tribus ont participé à son assassinat. فَلَا يَقْدِرُ بَنُوا عَبْدِ مَنَافِ, يعني عائلة محمد صلى الله عليه وسلم, عَلَى حَرْبِ قَوْمِهِمْ جَمِيعًا, comme ça, ses proches, les بَنُوا عَبْدُ مَنَافِ, sa famille, les Banu Abd Manaf, ne peuvent pas le venger, parce qu'il ne peut pas combattre tout le monde, toutes les tribus qui ont participé. فَرَضُوا مِنَّا بِالدِّيَّةِ فَنُعْطِيهُمْ إِيَّهَا نُعْطِيهُمْ الدِّيَّةِ وَسُرْتُوهُ. Et comme ça, ils vont accepter le prix de compensation, ils vont l'accepter, et l'affaire va s'arrêter là. قال الشيخ, يعني Iblis, le vieillard, c'est-à-dire Iblis, dit القول ما قال الرجل, la meilleure parole est celle qui a été prononcée par cet homme. هذا الرأي ولا رأي غيره, c'est la meilleure proposition, il n'y a pas en dehors de celle-ci aucune autre bonne proposition. واتفقوا على هذا الرأي ثم تفرقوا, et il y a eu un consensus de tous les présents autour de cette proposition d'Abu Jahl, et après ils se sont séparés. رواه ابن إسحاق والواقدي, ce que je viens de dire a été rapporté par ابن إسحاق et par الواقدي. وكان اجتماع قريش في دار الندوة في غاية السرية, la rencontre des Quraychites dans le parlement ou dans l'assemblée générale était ultra secrète. Il ne voulait pas que l'information se propage vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va prendre cette précaution. يعني ما أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام حتى لا يأخذ الحيطة. واتفقوا على قتله في الليل, ils se sont mis d'accord de l'assassiner, de le tuer pendant la nuit, à la tombée de la nuit. ويرسل الله تعالى وتبارك جبريل أمير الأنبياء عليه السلام إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أمير الأنبياء. Et Dieu le Très-Haut, le jour même, juste après leur rencontre, a envoyé l'émir des anges, l'archange Gabriel, prière et sagesse sur lui, à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'émir des prophètes. لِيُخْبِرَهُ بِالْمُؤَامَرَ الْقُرَشِيَةِ, afin de l'informer du complot coréchite contre lui. وَلِيُعْطِيَهُ الْإِذْنَ الْإِلَهِيَ بِالْهِجْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ, et de lui donner enfin l'autorisation divine de faire son hijr, de faire son immigration vers Médine. وأنزل الله عليه هذه الآية المباركة, et Dieu lui a révélé ce verset coranique. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب, الله يعلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عند الهجرة, عند البداية في الهجرة, يدعو بهذا الدعاء. وقل ربي أدخلني المدينة المنورة مدخل صدق, مدخلا أرضاء, مدخلا مرضيا. وأخرجني من مكة, وأخرجني مخرج صدق, وأخرجني مخرجا أرضاء, مخرج صار شرف وليس مخرج مذلة. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي يا رب, واجعل لي من لدنك من عندك سلطانا يحميني, سلطانا نصيرا, اعطيني سلطان يحميني من هؤلاء الكفار. هكذا قال الله في الآية لنبيه محمد يعلمه. Et le verset dit, Dieu s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, c'est-à-dire, ô Muhammad, dit, Seigneur, fais-moi entrer, ça veut dire, à Médine, d'une façon satisfaisante, et fais-moi sortir, ça veut dire, de la Mecque, d'une façon satisfaisante, et donne-moi de ta part un pouvoir défenseur, un pouvoir qui va me défendre, qui va me protéger contre ces gens qui veulent ma peau. رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد والحاكم والبيهقي. Ce que je viens de dire est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ahmed, l'imam al-Hakim et al-Bayhaqi. فعلمه الله هذا الدعاء, et Dieu lui a enseigné cette invocation. Fais-moi entrer d'une façon satisfaisante et fais-moi sortir, c'est-à-dire de la Mecque, d'une façon satisfaisante, et accorde-moi de ta part un pouvoir défenseur. وفي المدينة أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم آية يذكره فيها بهذا الحدث. يا مدين, après des années de cela, Dieu va révéler un verset coranique à son prophète Mohammed pour lui rappeler cela et lui rappeler cet événement et la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah fil ayah, Dieu dit dans ce verset coranique, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا من قريش وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ يُثْبِتُوكَ يس جنوب ما تبقى تحرك ليثبتوك كما قال أول ناس جنوب إلى الموت ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك واحد قال نقتل واحد قال نخرج واحد قال نسجنوا والله قال كل هذا الكلام في هذه الآية يتكلم عن ماذا فعل الكفار وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Et lorsque ceux qui avaient mécru, intrigué à ton sujet, ou comploté avec ruse, avec malice à ton sujet, pour te fixer, c'est-à-dire t'emprisonner, te fixer, c'est-à-dire sur place, ou te tuer, ou te faire sortir de la Mecque, ils intriguent. Et Dieu intrigue, et Dieu est le meilleur des intrigants. Et par la suite, nous allons voir ensemble comment Dieu va annuler leur intrigue. La mère des croyants, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit « Bainama nahnu julusun » يوما في بيت أبي بكر رضي الله عنه يعني يوم اجتماع قريش في دار الندوة un jour lorsqu'on était assis autour d'Abu Bakr c'est-à-dire dans la maison d'Abu Bakr et c'était le jour qui coïncidait avec l'assemblée générale quraïchite في نحر الظهيرة et exactement à midi lorsqu'il y avait le maximum de chaleur قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا quelqu'un dit à Abu Bakr là il y a le messager de Dieu prière et sagesse lui cagoulé qui arrive النبي صلى الله عليه وسلم متقنع حتى لا يعرفه الكفار لأنهم في الصباح اتفقوا عليه على قتله فأتى متقنعا متلثما دير التام ضرب وجهه وراسه إلى غير ذلك le prophète est venu avec une cagoule pour cacher son visage et afin que les associateurs ne le repèrent pas. Parce que le matin même, ils ont décidé de le tuer le soir. Il est venu à une heure pendant laquelle il ne venait jamais. Parce qu'il venait chez Abu Bakr uniquement le matin ou bien le soir. فقال أبو بكر فداء له فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر هو لا يأتي في هذه الساعة يعني في أمر خطير لهذا أتى في هذه الساعة ساعة الحر ساعة يعني الظهيرة عند الظهر. Il a dit que mon père et ma mère soient une protection pour lui. Il n'est jamais venu à cette heure-ci. Ça veut dire qu'il y a une chose importante, il y a un danger. C'est pour ça qu'il est venu à midi. Faja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, prière et sagesse lui, est arrivé. Il a demandé la permission, l'autorisation d'entrer dans la maison de son ami Abu Bakr. Faudina lahu, on lui a donné cette autorisation. Fadakhala faqala li Abi Bakr. Il est entré, il a dit à Abu Bakr. أخرج من عندك. Fais sortir ceux qui sont chez toi ou auprès de toi. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن السرية ويبحث عن الكتمان. Le prophète cherchait à garder secret ce qu'il veut faire, que personne n'écoute ce qu'il va faire. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. أبو بكر lui dit ce n'est là où il n'y a là à côté de moi que ta famille. Que mon père soit une protection pour toi, ô messager de Dieu. يعني عائشة ما معي إلا عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما. C'est-à-dire, il n'y a avec moi que Aïcha, ton épouse, et sa sœur Aïcha. Et sa sœur Asma. Ma ma'i illa Aïcha, zawjatuk ya Rasulallah. Hadi a'ilatuk ya Rasulallah. Wa hadi ukhtuha. Qala, fa inni qad udina li fil khurouj, yani l'hijra. Et le prophète prie à sa suite, a informé Abu Bakr comme quoi on m'a autorisé l'égir. Faqala Abu Bakr, as-sahabatu bi abi anta ya Rasulallah. Abu Bakr lui dit, la compagnie que mon père soit une protection pour toi, au messager de Dieu, Abu Bakr demande au prophète, est-ce que tu vas me prendre comme compagnon de route pendant l'égir? Al-sata'khudhuni kasadiq kasahib fil hijra ya Rasulallah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Et le messager de Dieu prière et sa suite a répondu oui. رواه الإمام البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari. وفي رواية أخرى, dans une autre version, قالت عائشة. Dans une autre version, عائشة dit: فوالله ما شعرت قبل ذلك أن أحدا يبكي من الفرح. من الفرح يبكي. حتى رأيت أبا بكر يعني أبي يبكي يومئذ. Par Dieu, je n'ai jamais compris ou appris ou senti que quelqu'un puisse pleurer de joie que ce jour lorsque j'ai vu Abu Bakr en train de pleurer par joie d'être le compagnon de route du messager de Dieu prière et salut sur lui. Rawahu Ibn Ishaq, rapporté par Ibn Ishaq. Abu Bakr yabki farah. أنه سيكون صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته. Donc Abu Bakr a pleuré de joie parce qu'il allait être l'ami du prophète prière et sa souris pendant je ne sais pas combien de jours, 15 jours au plus, il sera son ami de route. ثم قال أبو بكر فخذ يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. Au messager de Dieu, voilà mes deux montures, choisis l'une parmi les deux, choisis l'une d'entre elles. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu prière et sa souris a dit بثمن, je te donne le prix, je ne prends pas gratuitement. يعني كنا احنا يعني تنبغيو فابور نبغيو غراتو يعني اخي لا بثمن بثمن, je te donne le prix, je ne prends pas gratuitement. رواه الامام البخاري, rapporté par l'imam البخاري. Nous maintenant on ne cherche que les choses gratuites. C'est mon frère, je dois prendre tout, je dois abuser de la fraternité. قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما احب الجهاز وصنعنا لهما سفرة, يعني الطعام في جراب, وضعنا الطعام في جراب واحد الصاك. عائشة dit, nous avons préparé pour eux tout le matériel du voyage et nous avons préparé pour eux la nourriture, le repas qu'ils doivent prendre avec eux pendant leur voyage et on l'a mis dans un sac. فقطعت أسماء أختي قطعة من نطاقها يعني من حزامها, قطعت من الحزام ديالها. Et ma sœur Asma, fille d'Abu Bakr, a coupé une partie de sa ceinture. فربطت به على فم الجراب, et avec cette partie a attaché le haut du sac. فبذلك سميت ذات النطاق, رواه الإمام البخاري, et raison pour laquelle on l'a appelée par la suite la femme à la ceinture. وفي رواية ذات النطاقين, et dans une autre version on l'a appelée la femme à deux ceintures. واحتمل أبو بكر ماله كله معه فرح أنه سيمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفق كل ذلك المال في سبيل الله وفي سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر احتمل ماله كله معه 5000 درهم ولم يترك شيئا لعائلته. أبو بكر qui avait la grande foi, la grande certitude et confiance en Dieu, a pris toute sa fortune. Il n'a rien laissé à sa famille derrière lui. Il a pris les 5000 dirhams qu'il possédait pour les dépenser dans la voie de Dieu et de son messager. Rawahu Ibn Ishaq, rapporté par Ibn Ishaq. Wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an yatakhallaf ba'dahu bi Makkah. Et le jour même, le prophète, prière et sage lui, a ordonné à son cousin Ali, que Dieu soit satisfait de lui, de rester après lui à Médine, de ne pas voyager avec lui, de rester quelques jours ou quelques semaines. Raytama yu'addi 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-wada'i'a allati kanat 'indahu lin-nas. Afin le temps de répartir ou de rendre les dépôts, les fortunes des associateurs mécois qui étaient déposés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était comme une banque. Tout le monde déposait les choses nobles ou rares ou chères dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il savait qu'elle était le sincère et véridique et digne de confiance. إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون صدقه وأمانته. Il n'y avait pas une personne dans la Mecque qui avait quelque chose de cher et qu'elle craignait le perdre ou que la chose soit volée par un voleur sans le déposer comme dépôt chez le messager de Dieu, prière et sage lui, parce qu'il connaissait sa dignité et sa sincérité. رواه ابن إسحاق toujours rapporté par ابن إسحاق. وعند الليل à la tombée de la nuit اجتمع الرجال أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدون ينتظرون. À la tombée de la nuit, les hommes de toutes les tribus se sont rassemblés devant la porte du messager de Dieu, prière et sage lui, pour l'attendre, attendre sa sortie. لأنه كان عليه الصلاة والسلام يخرج ينام في بداية الليل وعند منتصف الليل يستيقظ ويخرج ليصلي بجانب الحرم قيام الليل. Parce qu'il dormait au début de la nuit, prière et sage-lui, et il sortait vers minuit pour aller à côté de la maison sacrée et prier Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il savait que chaque jour il sortait vers minuit. اجتمع الرجال أمام باب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم رسول الله عليه الصلاة والسلام lorsque le messager de Dieu, prière et sage lui, les a vus, par exemple à partir d'un trou de la porte ou autre, ou d'une fenêtre ou autre, قال لعلي ابن أبي طالب كرم الله وجهه, il a dit à son cousin Ali, fils de Abu Talib, que Dieu a oublié son visage, نم على فراش, dors aujourd'hui sur mon lit. وتسجد ببردي اكوفت ود avec mon manteau فانه لن يخلص اليك شيء تكرهه منهم parce que rien ne t'arrive comme mal de leur part. Sois tranquille et fais-moi confiance, tu te couvres avec mon manteau et personne ne te touche par un mal. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم à minuit, à l'heure zéro, le prophète, prière et sage lui, est sorti de sa maison. فأخذ حفنة من تراب في يده, il a saisi une poignée de terre dans sa main. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه, et Dieu a limité leur regard, a mis un voile en ce qui concerne leur regard. فلا يرونه, ils ne le voyaient plus. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع التراب على رؤوسهم, il a commencé à déposer de la terre sur leur tête. وهو يتلو سورة ياسين, en récitant le chapitre coranique ياسين, إلى قوله تعالى, jusqu'au verset dans lequel Dieu dit, وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Nous plaçâmes devant eux un barrage et derrière eux un barrage. Nous les couvrîmes ainsi d'un voile et voilà qu'ils ne voient plus rien. ولم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا. Et il n'a laissé personne parmi tous ces hommes guerriers forts sans déposer une poignée de terre sur sa tête. Il a pris tout le temps pour faire ça. أخذ كل الوقت ليقوم بهذه العملية. رواه ابن إسحاق ورواه ابن القيم في زاد المعاد. rapporté par Ibn Ishaq et rapporté aussi par Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad. Thumma tsarafa ila Abi Bakr, et après il est parti chez Abu Bakr, fa kharaja min Makkah, ils sont sortis de la Mecque, wa waqafa pendant la nuit, fil layl, wa waqafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nadhara ila Makkah. Et le messager de Dieu, prière et salut sur lui, s'arrêta à la sortie de la Mecque et a regardé la Mecque avec un regard. Wa nadhara nadhra ila Makkah wa qala, et il a dit, wallahi innaki la khayru ardillah. Ya Makkah, wallahi innaki la khayru ardillah. Oh Mecque, par Dieu le Très-Haut, tu es la meilleure terre de Dieu. Wa ahabbu ardillahi ila Allah, et tu es la meilleure terre, où tu es la terre la plus aimée à Dieu parmi toutes les autres. Et dans le cas où ils ne m'ont pas forcé à sortir de toi, jamais je sortirai. Rawahu l'imam al-Tirmidhi, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Ya Mecca, wallahi innaki la khayru ardillah, wa ahabbu ardillahi ila Allah, wa lawla anni ukhrijtu minki, mukrahan, ma kharajt. ثم توجه الى غار بجبل ثور باسفل مكه. Et par la suite il s'est dirigé avec Abu Bakr vers une grotte dans la montagne de Thawr qui se trouvait au sud de la Mecque. جنوب مكه, يعني وخصو يمشي للشمال, لا ذهب للجنوب, سنرى هذا في الدرس القادم ان شاء الله. جنوب مكه في طريق اليمن, وخصو يمشي للشام خطرك ديال اليمن. Dans le sud de la Mecque, ça veut dire la direction du Yémen. Normalement, il devait prendre la direction de la Sichem, de la Palestine, vers le nord. Il a pris la direction vers le sud. On verra ça dans la leçon, le cours prochain, Inch'Allah. Rawahu Ibn Ishaq, rapporté par Ibn Ishaq. Wa baqiya ar-rijalu yantadhiruna amama bab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes continuaient à attendre devant la porte du prophète, prière et sajoui. Hatta ja'a rajulun, jusqu'au point qu'un homme est venu. فَقَالَ لَهُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ هَهُنَا. Il leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre ici? قَالُوا مُحَمَّدًا. Ils dirent Muhammad. قَالَ خَيَّبَكُمُ اللَّهُ. Il leur dit que Dieu cause votre perte. قَدْ وَاللَّهِ خَرَجَ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدًا. Muhammad est sorti devant vous. ثُمَّ مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلًا إِلَّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا. Et après, il n'a pas laissé un parmi vous sans déposer de la terre sur sa tête. وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ. Il est parti pour faire ce qu'il veut. فَوَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ. Chacun d'eux a posé sa main sur sa tête pour voir. فَإِذَا عَلَيْهِ تُرَابًا. Il a trouvé la terre. ثُمَّ تَطَلَّعُوا. Et après, ils ont vu du trou. فَرَأَوْا عَلِيًّا عَلَى الْفِرَاشِ مُغَطًّا بِبُرْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ils ont repéré de la porte, à travers la porte, Ali qui est allongé sur le lit du prophète, prière et sajoui, et couvert par le manteau du prophète, prière et sajoui. Fayaqulun, et ils ont dit, Wallahi inna Muhammadu lana'im. Ils ont dit, par Dieu, Muhammad est en train toujours de dormir. Alayhi burdu, le voilà, ou le voici couvert de son manteau. Wabaqou hunak hatta sabah. Ils sont restés devant la porte jusqu'au matin. Faqama Aliyun radiyallahu anhu. Le matin, Ali se leva. Que Dieu anoblisse son visage. فَقَالُوا. Ils ont dit, وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقَنَا الرَّجُلُ الَّذِي حَدَّثَنَا. Ils ont dit, par Dieu, l'homme qui nous a parlé a dit la vérité. رواه ابن إسحاق, rapporté par ابن إسحاق. وَهُنَا أَقُومُ بِبَعْضِ الْمُلَاحَظَاتِ. Là, je vais formuler quelques remarques. الْمُلَاحَظَ الْأُولَى, la première remarque. الْهِجْرَةُ جَاءَتْ مَعَ الرِّسَالَةِ. L'échir ou l'exil ou Al-Hijra est arrivé avec le message. Al-Hijra tuja'at ma' al-wahi. L'égir est venu ou est arrivé avec la révélation. Fa fi awwal yawm nazala al-wahy fihi ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mundu 10 sanawat. Le premier jour où la révélation est venue, le Coran, le premier verset coranique Iqra a été révélé au messager de Dieu, prière et sajoui. Depuis 10 ans auparavant, ذهبت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل. إذا كنتم تذكرون دائما. خديجة est partie voir Waraqa ibn Nawfal, Waraqa fils de Nawfal, elle est partie accompagnée de messagers de Dieu, prière et s'évouer, et que les satisfactions, la satisfaction de Dieu soit sur la grande Khadija. Faqala Waraqa lin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Waraqa a dit au messager de Dieu, prière et s'évouer, Laytani akunu hayyan id yukhrijuka qawmuk. Oh, si je serai vivant le jour où ton peuple vont te bannir ou vont te faire sortir. Ça veut dire de la Mecque. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِجِيَهُمْ. Le prophète dit à Waraqa, vont-ils me faire sortir? Il vient de devenir prophète, c'est le premier jour. Vont-ils me faire sortir? قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي إِلَّا أَصْبَحَ عَدُوًا. Il n'y a pas, oui, il a répondu Waraqa, il n'y a pas un homme qui vient, qui apporte ce que tu as apporté comme religion, comme vérité, sans devenir un ennemi à abattre par son peuple. On a parlé de tout ça dans le cours numéro 17. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من أول يوم صار فيه نبيا أنه سيهاجر في يوم من الأيام. Le prophète, prière et s'assurer, dès le premier jour, a su, a appris, a compris, comme quoi un jour, il va faire l'Égypte, il va quitter la Mecque. Yawma talaqqa al-wahy, talaqqa khabar al-hijra. Le jour où il a appris la révélation, de la même manière, a appris l'information qui parlait de l'Égypte. Wa ba'da dhalik, akkadat al-ayat al-qur'aniya al-makkiya al-hijra. Et par la suite, pendant plusieurs années, les versets coraniques ont confirmé l'égir. Les versets coraniques, mais quoi ? Ont confirmé l'égir. Lamma dhakarat hijrat al-anbiya wa salihin. Lamma hadhihi al-ayat kanat tatakallam an hijrat al-anbiya wa hijrat al-salihin. Lorsque ces versets coraniques soulignaient ou parlaient de l'égir de tous les prophètes et des gens vertueux. Al-mulahaba al-thaniya. La deuxième remarque. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه مهاجر. Le prophète prière et s'assurer, comme nous l'avons vu dans la première remarque, savait qu'un jour il sera exilé ou il va faire l'exil. فلماذا لم يهاجر منذ بداية الهجرة مع الأوائل؟ علاش ما مشاش مع أبو سلمة أو سبق أبو سلمة أو مشى مع الأنصار من الحج مشى معهم؟ لماذا انتظر؟ Le prophète prière et s'assurer savait avec certitude qu'un jour il va émigrer vers Médine ou émigrer vers une destination inconnue à l'époque pour lui. Mais là, l'émigration était certes et sûre pour lui. Pourquoi a-t-il attendu? Pourquoi il n'a pas fait l'émigration avec les premiers comme Abu Salama? Ou pourquoi il n'est pas parti avec les Ansars qui faisaient leur pèlerinage? الجواب لا ريبونس النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك الا باذن الله. Le messager de Dieu, prière et s'assurer, ne bouge que sur ordre ou que d'après l'autorisation de Dieu سبحانه وتعالى. ولا يستطيع ان يهاجر الا باذن من الله. Il ne peut émigrer ou s'exiler que sur ordre ou autorisation divine. وبقي بعد هجرة الصحابة ينتظر الابن. Il est resté après l'émigration, après l'exil, des compagnons pour attendre l'autorisation. وكيف يهاجر من غير إذن إلهي. Et comment peut-il émigrer ou s'exiler sans autorisation divine? وهو يعرف قصة يوسف عليه السلام. Lui qui connaissait l'histoire de Jonas, prière et s'assurer. الذي هاجر غاضبا على قومه. Jonas, prière et s'assurer, qui a fait son égir lorsqu'il était fâché, en colère contre son peuple qui n'ont pas voulu croire en son message. Mais il s'est exilé, il a abandonné son peuple lorsqu'il était fâché, mais sans avoir reçu l'autorisation de Dieu. Safara Bahra, il a voyagé par le biais de la mer sur un bateau. فابتلعه الحوت. Et il a été avalé par la baleine. لم ينتظر الابن. Il n'a pas attendu l'autorisation de Dieu. et il a pensé qu'il est en train de bien faire. Mais Dieu a ordonné à la baleine de l'avaler. قال تعالى عن يونس عليه السلام في سورة الأنبياء المكية. Dieu le Très-Haut a dit dans un verset coranique à propos de Jonas, prière et saint-Louis, dans le chapitre qui s'appelait les prophètes, ce chapitre est mécois. فنادى في الظلمات في ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات بطن الحوت. ثلاث ظلمات اجتمعت عليه. لهذا لم يقول الله فنادى في الظلمة لا في الظلمات هي ظلمات ثلاث. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. هو نبي. لماذا من الظالمين؟ من الظالمين لأنه لم يأخذ الإذن من الله تعالى وتبارك فكان هذا ظلم. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Il appela alors dans les ténèbres, et les ténèbres étaient au nombre de trois, les ténèbres provoquées par l'intérieur de la baleine, le ventre de la baleine, le fond de la mer et la nuit. Il appela alors dans les ténèbres, il n'y a de Dieu que toi, gloire et pureté à toi, j'appartenais vraiment aux injustes. Pourquoi j'appartenais aux injustes? Pourquoi j'étais injuste? Parce que je n'ai pas attendu l'autorisation de Dieu pour faire l'égir. Al-Mulahaba al-Thalith, la troisième remarque, ما هي الفائدة أن لا يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية؟ Quel est l'intérêt que le messager prière et sagerie ne commence pas son égir dès le début? Pourquoi Dieu ne lui a pas donné l'autorisation dès le début? الجواب هناك ثلاث نقاط. Dans la réponse il y a trois points. النقطة الأولى, le premier point, أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي بمكة. Si le prophète prière et sagerie reste dans la Mecque, سيتابع هجرة أصحابه واحدا واحدا. Il va suivre l'émigration de ses compagnons un par un et une par une. وسيعطيهم النصيحة. Il va leur donner le bon conseil. ويقدم لهم العون. Il va leur donner l'aide nécessaire. ويشجع للهجرة المتردد الخائف. Et s'il reste dans la Mecque, il va encourager le musulman, la musulmane qui hésite, qui a peur. Et comme ça, lorsque tout le monde est parti, à ce moment-là, il peut partir, lui aussi. Il a arrêté. النقطة الثانية, le deuxième point, بقاؤه في مكة بعد هجرة أصحابه, le fait qu'il reste dans la Mecque, après le départ de ses compagnons, dalilun ala nubuwwatihi, est un argument, est une preuve de sa prophétie. Li'annana na'rifu fi at-tarikh anna zu'ama al-mu'arada wa anna ashab al-afkar al-jadida hum alladhina yuhajiruna qabla ansarihim. Nous avons appris dans l'histoire que les leaders de l'opposition ou bien ceux qui ont inventé de nouvelles idées, ce sont les premiers à s'exiler avant leurs partisans. خوفاً من السجن أو الموت, de peur d'être emprisonné ou assassiné par le pouvoir en place. لأن موتهم موت لأفكارهم, parce que leur mort est une mort pour leur opposition ou pour leurs idées qu'ils portent. ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, mais notre maître Mohammed, prière et sagerie, بقي بعد أصحابه, il est resté après le départ de ses amis. لأنه لا يخاف الموت, parce qu'il ne redoute pas la mort, il ne craint pas la mort. ليقينه في الله, pour sa confiance en Dieu. النقطة الثالثة, le troisième point, بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة الصحابة رضوان الله عليهم, le fait que le messager de Dieu prière et sagerie reste après le départ de ses compagnons, تحدي من الله, constitue un défi de la part de Dieu aux Quraishi. تحدي من الله لقريش. وكأن الله يقول لهم, et comme si Dieu leur disait, يا مشركي قريش, au associateur Quraishite, ha huwa habibi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahidun al-an fi Mecca, voici mon bien-aimé Muhammad seul dans la Mecque. Ashabuhu hajaru wa taraku, ses compagnons, ses partisans ont fait leur hijr, sont partis et l'ont laissé derrière eux. Wara'ahum, hayya, allez-y, aruni quwwatakum, montrez-moi votre puissance, montrez-moi votre force et montrez au monde entier ce que vous pouvez faire. Hawilu qatlahu, essayez de le toucher, essayez de l'assassiner, essayez de le tuer. Wa satarawna man huwa al-aqwa, antum am Allah, et vous allez voir qui est le plus fort, qui est le plus puissant, vous ou bien moi, Dieu des univers. Al-mulahada ar-rabi'a, la quatrième remarque. مهي الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر مع أصحابه جميعا في آل واحد. Quel est l'intérêt? Pourquoi le prophète, prière et sa salut, n'a pas fait l'hijr avec tous ses amis, tous ensemble, جميعا, une seule équipe, 500, 600, 1000 personnes qui prennent la route ensemble. En même temps, كما فعل موسى عليه السلام, comme l'a fait Moïse, prière et salut sur lui. Lamma hajara ma'ashab bani Israël, Moïse qui a fait son hijr accompagné de tout le peuple des enfants d'Israël. Wa kama fa'ala Nuh alayhi salam, et comme l'a fait Noé et prière et salut sur lui, sur l'arche, lorsqu'il a pris tous les croyants avec lui. Wa kama fa'ala Lot alayhi salam, et comme l'a fait Lot, prière et salut sur lui, lorsqu'il a pris toute sa famille avec lui. Al-jawab, la réponse. Al-hijra bit-tariqa allati ra'ayna, tariqa as-sahaba, l'hijr selon la méthode, selon la façon des compagnons du prophète, prière et salut sur lui, allati ra'ayna, que nous avons vu, tu'ti fadlan wa ajran kabiran li kulli muhajirin min as-sahaba ridwanullahi alayhim. Cette façon de faire l'hijr donne un grand salaire et un grand mérite à chaque muhajir, à chaque exilé parmi les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Parce que chacun a fait l'hijr seul. Ou avec un petit groupe. Ceci montre leur grand courage. Ceci montre, cela montre leur grande confiance en Dieu. أما لو هاجروا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم dans le cas où tout le monde a fait l'hijr accompagné du prophète صلى الله عليه وسلم فسيقال إنما هاجروا, on va dire par la suite ils n'ont fait leur hijr لأن الجماعة إنما هاجروا جماعة لأن الجماعة أعطتهم قوة وشجاعة, ils n'ont fait l'hijr en groupe ou dans leur totalité en groupe parce que être ensemble, ça procure un courage et ça procure une force. Et parce que la présence du prophète, prière et salut sur lui, avec eux, leur procure une protection divine. Donc ils n'ont pas le courage. Mais comme ils ont fait ça ensemble, ils ont eu le courage. Al-Mulahad al-Khamis, la cinquième remarque. لماذا لم يهلك الله أهل مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ Pourquoi après l'hijr, après l'exil du prophète, prière et salut sur lui, Dieu n'a pas anéanti la Mecque, n'a pas anéanti tous les habitants de la Mecque. حسب طريقة كما فعل مع قوم موسى عليه السلام, comme l'a fait avec le peuple des pharaoniques, avec l'hijr de Moïse, prière et salut, ou comme fa'ala ma'a qawmi Lot, ou comme il l'a fait avec le peuple de Lot, ou comme fa'ala ma'a qawmi Nuh, ou comme il l'a fait avec le peuple de Noé, prière et salut sur l'ensemble. Al-jawab, la réponse. Allah lam yaqdi ala ahli Makkah, Dieu n'a pas anéanti, n'a pas exterminé les habitants de la Mecque, kama qada ala aqwami Moussa wa Lot wa Nuh alayhim salam, comme il a anéanti les peuples de Moïse, de Lot et de Noé, et prière et salut sur l'ensemble, bi fadli da'wati habibihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. grâce à la prière, grâce à l'invocation de son bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, alladhi qal, arju an yukhrij Allahu min aslabihim man ya'budu Allah, qui a dit un jour à l'ange, je demande, je souhaite que Dieu fasse sortir de leur progéniture des gens qui vont adorer Dieu. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Hada fi dars 31, c'était dans le cours numéro 31. Kibarul mushrikin, les plus grands associateurs, wal a'da, les plus grands ennemis, sayamutuna fil hurub, ils vont périr dans les guerres, dans les batailles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al akharun wan nisaa wal awlad, tandis que les autres, les femmes, les enfants, il a akhiré, etc. فَسَيَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ بَعْدِ كَمَا أَرَادَ مُحَمَّدٍ sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce monde-là va entrer en islam par la suite, comme l'a voulu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mulahaba al-Sadisa, la sixième remarque. لِمَذَا لَمْ يُهَاجِرْ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam أَمَامَ كُفَّارِ مَكَّةِ مثلاً. Pourquoi le prophète, prière et sa souris, n'a pas fait son égir devant le jour, pendant le jour, pas pendant la nuit, devant les associateurs de la Mecque, مثلاً يركب البراق, comme dans l'Isra, par exemple, il se met sur la monture qui s'appelle Al-Buraq, ويمشي بسرعة الضوء, à la vitesse d'éclair ou de la lumière, أو يطير في السماء, ou bien il monte, il fait une ascension dans le ciel, comme dans le Mi'raj, comme lors de l'ascension, وينزل في المدينة, et il atterrit à Médine. لو فعل الله هكذا, dans le cas où Dieu a fait ainsi, لقال المشركون لم نستطع قتله لأنه طار. Les associateurs, les fous associateurs vont dire, on n'a pas pu l'assassiner, on n'a pas pu le tuer comme on a voulu parce qu'il s'est envolé. وذلك لأنه خاف منا, et ceci parce qu'il avait peur de nous. وسيصدقهم الناس, et des gens fous comme eux vont croire en leur parole. ولكن الله تركه لهم, mais Dieu l'a laissé pour eux. ووقفوا حاملين السيوف, et ils se sont mis devant sa porte debout avec les épées dans leurs mains, صفين, et en deux rangées, أمام بابه, devant la porte. وهو في الدار, il était à l'intérieur. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء, et le messager de Dieu, prière et sa souris, est sorti doucement. ويحمل التراب, et il a pris, il a saisi la terre. ويضع على رؤوسهم, et il déposait la terre sur leur tête. وهم ينظرون إليه, ils étaient en train de le regarder. ولكن لا يرونه, mais ils ne le voyaient pas. لا إله إلا الله, il n'y a aucune divinité à part Allah. وهذا فيه ذل لهم, et en cela il y a une humiliation pour eux. يبين الله عزهم وضعفهم, Dieu nous montre et montre au monde leur incapacité, leur faiblesse. أمام قوة الله, devant la puissance de Dieu. ويفتحهم أمام الناس, Dieu les dévoile devant les gens. إلى درجة أن قال رجل منهم, jusqu'au point que l'un parmi eux leur dise, خيبكم الله, que Dieu cause votre perte. خرج محمد, محمد est sorti. ووضع التراب على رؤوسكم, il a déposé la terre sur vos têtes. وذهب, et il est parti. هذا هو مكر الله, telle est l'intrigue de Dieu. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين, et ils intriguent, et Dieu intrigue, et Dieu est le meilleur des intrigants. ماذا تصنع قوة الناس أمام قوة الله, que peut-elle faire la puissance des gens devant la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. الملاحظة السابعة, la septième remarque. شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى, le grand courage du messager de Dieu, prière et sajoui. وثقته الكبرى بالله, et sa grande confiance en Dieu. رجل, un homme. الأعداء حاملين السيوف أمام بابه. Imaginez cela, mes frères et mes sœurs. Un homme et les ennemis, des hommes forts, guerriers forts, sont devant sa porte avec les épées dans leurs mains. وقد صمموا أن يضربوه ضربة رجل واحد, et ils ont décidé de le frapper comme un seul homme. هل يخرج لهم ليموت, va-t-il sortir vers eux pour mourir? لا يمكن, ce n'est pas possible. خوفه سيدفعه للخروج من الباب الخلفي, sa peur va le pousser à sortir de la porte de l'arrière de la maison. أو من النافذة, il va sortir de la fenêtre. أو من السطح, où il va sortir du toit. ولن يخرج أبدا من الباب, mais jamais il ne va sortir de la porte. الخروج من الباب يعني الموت, la sortir de la porte signifie la mort. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad prière et saïe sur lui, shaja'atuhu bi shaja'atihi wa bi thiqatihi, grâce à son courage exemplaire, grâce à sa confiance illimitée en Dieu, yakhrujou min al-bab, il sortit ou il sort de la porte, wa min ghayri khawf, et sans aucune crainte ou peur, fa yaqulu Allah ta'ala wa tabaraka, et Dieu le très haut va dire, qala li a'yun al-mushrikin, va dire aux yeux des associateurs, la taraw ya a'yunu, la taraw habibi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire aux associateurs, il va dire à leurs yeux, ne voyez pas mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala Allahu linnar, comme Dieu a dit un jour au feu, la tahriqi khalili Ibrahim, ne brûle pas mon ami intime Abraham. Wa kama qala lis-sikkin yawman, et comme l'a dit un jour au couteau, la tadbahi abdi Ismaïl, n'égorge pas, ne coupe pas le cou de mon serviteur Ismaël. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. يَفْعَلُ فِي مَمْلَكَتِهِ مَا يَشَاءُ, il fait dans son royaume ce qu'il veut. الْمُلَاحَظَ الثَّامِنَ وَالْأَخِيرَةِ, la huitième et dernière remarque. كُلُّ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ كَانَتْ مُودَعَةً عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, toutes les fortunes étaient déposées, des associateurs étaient déposés dans la maison du prophète صلى الله عليه وسلم. كانوا يحاربون دين النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبونه, ils combattaient la religion de Muhammad صلى الله عليه وسلم et le traitaient comme menteur. وفي نفس الوقت, mais en même temps, يقولون عنه الصادق الأمين, mais en même temps ils le qualifiaient du sincère et véridique. ويضعون أموالهم أمانة عنده, et ils déposaient leur fortune colossale chez lui, comme dépôt chez lui. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الودائع قبل هجرته, le prophète prière et saint-Louis n'a pas rendu aux associateurs leur dépôt avant son hijir. لماذا, pourquoi, لانهم سيعرفون انه سيهاجر, parce qu'ils vont détecter, ils vont comprendre qu'il va faire l'hijir, qu'il va quitter la Mecque. وهو يريد ان يهاجر سرا, et lui il cherchait à faire l'hijir mais d'une façon secrète. فترك عليا وراءه, il a laissé derrière lui Ali, كي يرد الودائع, afin qu'il rende les dépôts à leur propriétaire, بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم, après l'exil du prophète prière et saint-Louis. وهذا دليل آخر على نبوته صلى الله عليه وسلم, et on trouve là une autre preuve, un autre argument qui crie fort comme quoi c'était un prophète صلى الله عليه وسلم, لأنه لو لم يكن نبيا, dans le cas où il n'était pas un prophète, لأخذ كل الأموال معه, il pouvait prendre toutes les fortunes avec lui, لأنها أموال أعداء, parce qu'il s'agissait des fortunes des ennemis. أعداء يحاربونه, des ennemis qui le combattaient, ويريدون قتله, et qui cherchaient à le tuer. Donc normalement c'est une excuse pour lui, même si c'était un prophète, c'est une excuse pour lui de prendre les biens des ennemis. Mais lui, sa morale lui a interdit de faire ça. Il a laissé l'argent, il ne cherche pas l'argent. Il cherche la foi, ils cherchent leur islam. Wa ila hissatin qadimatin insha'Allah, il y a une autre séance prochaine si Dieu le veut. Allahumma inni da'in fa'aminu. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا اليوم حول سيرته فاجمعنا غدا يوم القيامة حول حوضه الكوثر, واسقنا منه شربة لا نعرف الظمأ بعدها, وأدخلنا معه إلى الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.